Fait vibrer, bien coup fidèle qu'on est le toit. perceptible, l'âme sorbante de la lumière qu'elle renvoie. Elle rayonne au-dessus des toits et fluctue de ça et là, changeante, fascinante, parfois même éblouissante. C'est ainsi qu'on l'aperçoit, disque parfait, disque lumineux. Elle vous rappelle tel pas le style de ceux qui lèvent la tête dans l'espoir de s'élever un peu. Transitoire, unique, symbolique de quelques visions imaginaires. Et on impressionne plus d'un qui prenne peur et délire. Elle est libre de tout ça. Elle est libre de tout ça. Elle est au-dessus de tout ça. Elle est libre de tout ça. La lune est libre, je crois. Elle rayonne au-dessus. Elle rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Bien plus qu'on ne le voit. Le futur de ça est là. Et parti pour nous. You swear I am such a cop. over. Can't believe the way you turn me down. You look so pretty under the neon lights. A million lights that just turn me down. You turn me down. Freeway, I'm on the Don't be sorry if I ran on empty. To lose my senses, my shaking emotion. Keep on driving, I keep on running. To lose my senses, my shaking emotion. Day after day, right by the bay, I take the freeway. I'm on vacation from all of you, notion. From the ground. From the ground. Bonsoir, donc nous sommes le groupe Lune Ville. Voilà, Valérie. Donc je voulais remercier Mathieu, Nicolas, Dorian pour son accueil et Pierre, évidemment, toujours présent à toutes les soirées qui comptent pour moi. Nous avons sorti un 45 tours qui est en exclusivité disponible ce soir. Il est arrivé il y a quelques jours du pressage. Je vous invite, à ceux qui sont du côté de Strasbourg, à venir le 10 novembre. On fera la release party à Strasbourg, donc au Hall des Chars, avec Einkaufen, un groupe de Mulhouse, qui sort aussi son album sur Herzfeld. Voilà. Et ben merci. Et puis, bonne soirée en compagnie de Darren. Et on fait un dernier morceau. Tout à l'heure, on a fait une reprise de Stereolab, le Boob Oscillator, et là, on va terminer par une reprise de John Cunningham. The clarion was leaving.